Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea servi en 8 saveurs décaféinées, auquel vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679 0900. Toute l'équipe du restaurant Midas invite la population à participer aux activités des régates de Saint-Félicien. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeurs d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. La 10e édition du Festival des biens extrêmes débute ce week-end avec une programmation complètement disjonctée. Ça débute jeudi avec un tournoi de poker, suivi d'un vendredi 100% rock, samedi, championnat du monde de pédalo, jeux gonflables, hommage aux Beatles, et dimanche, championnat régional de motocross et après-midi country sous le chapiteau, suivi de la tourtière extrême, chaise musicale, feu d'artifice et Geno Music. Cet été, bien disjoncté à des biens, ville de l'extrême. On va parler avec belle nouvelle qu'on a appris ce matin, c'est que Dolbeau, Mistassini et la région vont recevoir une tranche de la Coupe Dodge en 2020. La Coupe Dodge, pas savez, mais ça représente beaucoup, beaucoup de retombées économiques. Pour en parler, on parle avec Patrick Tremblay, qui est le responsable du volet de la Coupe Dodge, section Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon après-midi, Patrick. Bon après-midi toi-même. Patrick, c'est une belle, belle nouvelle, cela qu'on a appris ce matin, là. C'est en plein ça. C'est la Saint-Lac-Saint-Jean va faire partie de l'organisation de la Coupe Dodge 2020 avec trois autres régions, soit la Côte-Nord, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Pourquoi hein, que c'est pas que le Saint-Lac-Saint-Jean ne fait pas cavalier seul? Parce qu'il y a déjà eu par les années passées que la Coupe Dodge est organisée par une seule région. Oui, c'est en plein ça. Mais maintenant, avec la présence de nos structures intégrées, donc les catégories Kiwi 3A, Bantam 3, Midget Espoir, c'est impossible là, pour une région comme la Saint-Lac-Saint-Jean d'accueillir l'ensemble des catégories. Ça représenterait beaucoup trop de logistique. Puis je crois pas qu'on ait la capacité au niveau de l'hébergement d'être capable d'accueillir le nombre de participants, le nombre d'équipes de ça dans notre région. OK. Juste pour Dolbeau, Mistassini, accueillir une tranche du Bantam 2A et Robert Vasse et Fessien Bantam 3A, ça représente quoi comme bénévole? Est-ce que ça demande beaucoup? Ben, c'est sûr qu'au niveau du Bantam 2A à Dolbeau, on parle d'une douzaine d'équipes qui vont représenter les différentes régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est un tournoi, je dirais, de catégorie moyenne. Là, c'est quand même pas quelque chose. Si les gens de Dolbeau, l'organisation Zorkina là-bas, sont habitués d'organiser des tournois. Donc, pour eux, je pense pas, mais on parle au moins de 20 à 30 bénévoles qu'on va avoir besoin du côté de Dolbeau là, pour l'organisation de cette tranche-là de la Coupe d'Or. Et c'est la même chose pour tout le monde, j'imagine. Oui, c'est en plein ça. Peut-être les catégories 3A comme Bantam 3, Midget Espoir, où on peut retrouver jusqu'à 25 équipes. Donc là, on va avoir besoin d'un peu plus de bénévoles puisqu'on va faire, on va avoir des activités sur deux patinoires en raison de la durée du tournoi puis de la présence du nombre d'équipes. Donc, on va être obligé d'avoir deux équipes de bénévoles dans deux patinoires différents jusqu'au dimanche lorsqu'on va avoir les finales là, dans une seule aréna. OK. Pour la région, ça représente quoi accueillir la Coupe Dodge? Ben, on parle d'à peu près 90 équipes qui vont être présentes ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur une période de 4 à 5 jours. On parle de 1500 joueurs, on parle de tout près de 3000 par an avec des accompagnateurs, des délégations aussi des autres associations de hockey mineur et des organisations aussi des autres régions qui vont être présentes et aussi quelques membres d'Hockey Québec. Puis il faut pas oublier aussi là-dedans la partie des officiels, puis on va avoir des officiels de l'extérieur pour venir arbitrer des matchs aussi également. OK. Si on parlait un peu du côté de l'organisation, j'en ai parlé tout à l'heure, mais est-ce que c'est le hockey mineur de chaque ville qui va organiser ça ou encore c'est un comité qui est du hockey mineur mais parrainé par la Coupe Dodge? Oui, il y a un comité régional qui est en place, environ d'une dizaine de personnes. Où ils vont être présents ici sur le territoire, mais on va avoir aussi des coordinateurs locaux qui vont être identifiés par les hockey mineurs pour organiser vraiment les différents tournois sur l'ensemble du territoire. OK. Si on parlait un peu donc ça va avoir lieu du 16 au 19 avril prochain, c'est ça? C'est en plein ça. Donc, du 16 au 19, sur l'ensemble du territoire, on va avoir des gens à partir du Saguenay là, jusque dans le Haut-du-Lac-Saint-Jean. Est-ce que la région et Gaspésie, également la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent, avaient des rivaux? Ou c'était vraiment octroyé par Hockey Québec Non, c'est octroyé par Hockey Québec. Puis cette année, c'est une première pour eux aussi d'avoir des activités de la Coupe d'Or dans quatre régions différentes. La raison, comme moi j'expliquais un peu plus tôt dans l'entrevue, avec le nombre d'équipes, les régions un peu plus petites n'ont pas la capacité d'hébergement d'accueillir l'ensemble des activités. Donc, c'est pour ça cette année qu'ils font un essai en divisant les différentes catégories dans les quatre régions. OK. Ben, Patrick Tremblay, un gros, gros, gros merci. Au plaisir de se parler. Puis bravo pour cette belle nouvelle, la Coupe Dodge, une partie de la Coupe Dodge qui va être au Saint-Jean 2020. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Patrick Tremblay, qui est un des responsables de la Coupe Dodge, section Saint-Jean.